Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Page droits de l'homme de ce journal, 824 filles et femmes burundaises ont été embarquées dans un trafic des êtres humains vers les pays arabes et surtout en Arabie Saoudite et Oman. Cela ressort du rapport présenté par la commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité. C'était ce jeudi au Sénat lors des questions orales au ministre des Relations extérieures et de la coopération internationale. À l'honorable Nsessema Jean Marie-Pascal, président de la commission, fait savoir que parmi ces femmes et filles, 31 seulement ont été rapatriées. Les détails avec Charles Makoto. La traite des êtres humains est un phénomène transnational. Dans le rapport de la commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité, il est indiqué que 824 filles et femmes ont déjà embarqué vers les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et l'Oman. Le sénateur Nsessema Jean Marie-Pascal, président de la dite commission, fait savoir que ces 31 d'entre elles ont été rapatriées. La question préoccupante actuellement a été soulevée lors de la conférence des porte-parole des institutions qui s'est tenue en province de Rumonge en date du 10 juin 2016 à propos de certaines sociétés qui feraient le trafic des êtres humains, particulièrement des jeunes filles envoyées dans les pays arabes, surtout en Arabie Saoudite et en Oman. Par la suite, en date du 26 février 2017, la RTNB a diffusé des informations selon lesquelles on avait enregistré jusqu'à ce moment 824 filles et femmes qui y sont déjà embarquées. Et sur ce total, 31 seulement ont été rapatriées. Cela prouve que leur rapatriement est pratiquement difficile. De plus, ce qui le confirme à suffisance est la décapitation d'une Ougandaise qui tentait de retourner au pays. Dans le même ordre d'idées, les informations qui nous parviennent indique que son commerce gagne de plus en plus la sous-région EAC et alerte les parents burundais qui envoient leurs filles pour étudier, de les suivre d'auprès. Les sénateurs ont voulu savoir ce que préconise le gouvernement comme barrière pour éviter la récidive. Alain Emenyamitwe, ministre burundais des Relations extérieures de la coopération internationale, fait savoir que l'arsenal juridique burundais est bien rédigé. Alors, comme barrière pour éviter la récidive, on a tous les instruments. Je crois que vous l'avez même dit dans votre présentation, on a tous les instruments, on a tous les outils. Maintenant, il reste de les mettre en œuvre. Je pense que le Burundi, c'est l'un des États au monde qui a des instruments légaux bien rédigés et très au point. La question, on peut savoir ce qu'on en fait. Nous avons des instruments, nous avons des textes légaux, nous avons des engagements internationaux. Qu'est-ce qu'on en fait au niveau national? C'est la question fondamentale. Qu'est-ce que la police fait? Qu'est-ce que la justice fait dans le cas d'espèce? Nous ne l'aurons pas. Les gens qui font le trafic d'êtres humains sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui utilisent l'argent justement pour essayer de camoufler ou de blanchir leurs actes. Ils vont recourir à l'argent, forcément. Et il faut donc par conséquent que nos gens, en qui l'État a placé l'autorité de réguler la sécurité, de réguler les migrations, que ces gens puissent prendre leurs responsabilités très au sérieux. Le ministre a indiqué que les trafiquants cherchent toujours des nouvelles voies pour ce commerce honteux. Actuellement, dit-il, les pistes privilégiées sont l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Charles Makoto, en page justice, une prison de 20 ans, une amende de 2 500 000 francs burundais, des dommages et intérêts de 900 000 francs burundais. Telle la sanction que le tribunal de grande instance de Bubanza a infligée à Nhakarutimana André, un policier accusé de tentative de meurtre et de vol d'une moto. Il doit également remettre 1 217 000 francs burundais qu'il a dépouillé aux victimes. Le verdict est tombé ce jeudi après que le ministère public ait demandé une prison de 47 ans pour ce détenu. C'était ce mardi. Et 4 hommes de la commune Kabarore en province Kayanza ont été condamnés ce mercredi par le tribunal de grande instance à une peine allant de 2 ans et demi à 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende allant de 10 à 15 millions de francs burundais. Ils ont été surpris chez eux avec 159 kilos de coltan ce lundi. Eric Ndikumana et Antoine Niyoneze vont payer 10 millions de francs burundais d'amende ainsi qu'une servitude pénale de 5 ans pour commerce illégal de mineurs et un certain Philippe

Et pour terminer, en page économie, plus de 178 milliards de francs burundais sont les recettes collectées par l'Office burundais des recettes OBR durant son premier trimestre de l'an 2017. Et 760 procès-verbaux de saisie ont été établis et clôturés. Cela a été dit lors d'un café de presse de l'OBR ce jeudi. Le commissaire général de l'OBR, Léonard Senhore, a précisé que ces réalisations trimestrielles sont supérieures aux prévisions. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eric Ouimana qui assurait la mise en onde. Une très bonne soirée à tous et à tous. Au revoir.